Et instantanément, tout de suite, sans plus attendre, Antoine Leng, tu vas nous présenter la programmation du jour. Alors après le partage d'écoute à 12h30 de Marco Blau, il y aura un concert dans la grande salle à 18h30 consacré à Kaija Sarriaho. À 21h, The Monochrome Project, toujours dans la grande salle de concert. Et puis à 22h30, dans le salon d'écoute, Sarah Terral et Dat Palace. Dit Palace. Dit Palace. Voilà. Hein. Hein. Bon. Okay. Tu peux me taper moi sur les doigts. Aïe. Voilà. Pardon. Non, mais oui. Non, mais il fallait le jouer jusqu'au bout. C'était pas si douloureux que ça. Et d'ailleurs, Dit Palace, qu'on retrouve sous son vrai nom, Marion, Camille Palou, que l'on retrouvera en interview demain matin. Si elle m'a dit qu'il fallait vraiment qu'elle y pense et qu'elle n'oublie pas. Donc je vais lui rappeler toute la journée de venir à 11h30 demain matin.